les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Fred Astaire prend ses clics et ses claques, titrait Libération le 23 juin 1987, au lendemain de sa disparition. L'habit, la canne, le sourire, le chapeau claque, l'élégance et la grâce aérienne suspendues pour l'éternité dans une photographie extraite de Top Hat qui couvrait ce matin-là toute la une du quotidien. Quelques jours plus tard, sur France Culture, Noël Simsolo rendait à son tour hommage à celui qui incarna plus qu'aucun autre la comédie musicale américaine sur laquelle il régna pendant près de 30 ans. Bobby, you know what I'm gonna do? I'm going out to the biggest nightclub I can find. I'm gonna get me a glass of champagne and I'm gonna celebrate. I'll go my way by myself, like walking under a cloud. I'll go my way by myself, all alone in a crowd. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by myself, alone. Hommage à Fred Astaire par Noël Simsolo. I'll go my way by myself, all alone in a crowd. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by myself, alone. Fred Astaire vient de s'éteindre dans la Cité des Anges, Los Angeles, juste à côté de ce Hollywood qui diffusa son image de danseur magique aux quatre coins du monde. L'élégance de son style et la précision de son art en avaient fait une étoile éclatante des usines du rêve. Né en 1899, il avait étudié la danse parce que sa mère aurait voulu être danseuse. Cette obsession familiale devait lui ouvrir les portes de la gloire. À présent, nous allons écouter le claquement calculé de ses talons et la douceur voilée de sa voix. Hommage. Hommage à cet homme prodige qui s'appelait Frédéric Austerlitz et qui connut la célébrité sous le nom de Fred Astaire. Et pourtant, à ses débuts, un scribouillard hollywoodien le ficha en ces termes. Ne sait pas chanter, ne sait pas jouer, peut juste danser à la rigueur. Alors, écoutons-le danser dans cet extrait d'un de ses premiers films, Flying Down to Rio, Carioca, et plaignons l'imbécile crétin qui fit imprimer cet avis négatif. All right, girls, now sit down. We'll talk this thing over. Now, the first thing we've got to do is concentrate, you understand? If we don't, hey, boys, wait a minute, will you? Now, the idea is mirage. Listen, girls. Hey, Raj, how do you expect me to teach these follies, girls, if you don't? Listen, girls. Oh, Voilà comment Astaire exécutait un solo de claquettes, genre qu'il affectionnait particulièrement. Mais pour mieux se souvenir, arrêtons-nous à la façon dont il dansait en duo. Surtout lorsque sa partenaire était la reine du tap dance, la géniale Eleanor Powell, dans un film de 1940, Broadway Melody. De quoi vous couper le souffle. Come on, try it. I have tried it, but I don't seem to get quite the same thing. Let's see. That's it. And you can travel with it too, can't you? Uh-huh. Fred Astaire débuta en duo avec sa sœur Adèle, son aînée, qui, selon lui, était la meilleure, l'incarnation de toutes les perfections. Ensemble, ils se produisirent sur toutes les scènes de leur pays, ainsi qu'à Londres, où on les adora. Parmi les nombreuses comédies musicales qu'ils créèrent, il y a Lady Be Good. Il existe un enregistrement de 1926. Fred et Adèle y interprètent Fascinating Rhythm. Écoutez bien, c'est George Gershwin en personne qui les accompagne au piano. Fascinating rhythm, more quiver. want to stop picking on me. Adèle quitte le théâtre pour épouser un noble anglais. Fred reste seul. Pas longtemps. Il se fiance avec le 7e art. En quelques années, le cinéma parlant est devenu le cinéma chantant et dansant. L'Amérique, en pleine dépression, oublie ses drames en voyant les beaux décors, des gens en frac et des cauchemars sucrés. Avec son chapeau claque, son smoking et ses souliers vernis, Fred Astaire va conquérir le public des salles obscures. En quelques mois, il est propulsé roi de la RKO, un studio prolifique qui se spécialise dans les genres populaires. C'est le temps du tandem avec Ginger Rogers. Le couple aérien collectionne les succès Flying Don Toribio, Roberta, The Gay Divorce et Top Hat, Shall We Dance. Leurs numéros musicaux sont réglés par Fred Astaire, nouveau mythe de l'Amérique moderne. En 1937, dans Swing Time, Ginger Rogers tient le rôle d'un professeur de danse. Fred Astaire lui fait croire qu'il a besoin de ses leçons. Il danse mal avant de mettre bas le masque. C'est Pick Up Yourself Up et voilà ce que cela donne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, turn. Try it again. Alright. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3. I'm getting it. Yes. Again. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now you've got it. Anything. Please, teacher, teach me something. Nice, teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My 2 feet haven't met yet, but I'll be teacher's pet yet, 'cause I'm going to learn to dance on birds. Nothing's impossible, I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again. I'll get some self-assurance if your endurance is great. I'll learn by easy stages if you're courageous and wait. To feel the strength I want to, I must hang on to your hand. Maybe by the time I'm 50, I'll get up and do a nifty. All right, I'll show you again. Now remember, 3 steps to the left, 3 steps to the right. That's the right. And turn. Right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I know, one, I'm fine. Pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Listen, don't... no one could teach you to dance in a million years. Take my advice and save your money. Now, how did you say that last step went? Yes. Shall we try it right through? Fred et Ginger, c'est l'harmonie sur l'écran, pas dans la vie. En 1941, ils brisent leur association. Stupeur de l'Amérique. La cote de Fred Astaire pique du nez, pas pour longtemps. Il entre à la Metro-Goldwyn-Mayer et devient le joker du producteur Arthur Freed. Sa sveltesse et son jeu subtil contrastent avec le style athlétique et moderne d'un nouveau venu, Gene Kelly. À 49 ans, Astaire remplace ce dernier pour Easter Parade, parade de printemps. Il redevient le premier de tous et il chante merveilleusement « It only happens when I dance with you », « Cela n'arrive que lorsque je danse avec vous », un classique. It only happens when I dance with you. That trip to heaven till the dance is through. With no one else do the heavens seem quite so near. Why does it happen, dear? Only with you. Two cheeks together can be so divine. But only when those cheeks are yours and mine. I've danced with dozens of others the whole night through. But the thrill that comes with spring, when anything could happen, that only happens with you. Spring, when anything could happen, that only happens with you. En 1953, Fred Astaire accepte avec humour de jouer le rôle d'un danseur un peu oublié, mais qui lui ressemble comme un frère. C'est Bandwagon, tous en scène, un de ses succès des années 20. Cette fois, il s'agit du film Metro-Goldwyn-Mayer réalisé par Vincente Minnelli, avec Sid Charis comme partenaire. D'entrée, le quinquagénaire prouve combien il possède encore de classe et d'énergie. C'est le célèbre numéro « Shine on your shoes », la perfection. When you feel as low as the bottom of a well and can't get out of the mood, do something to perk yourself up and change your attitude. Give a tug to your tie, put a crease in your pants, but if you really want to feel fine, give your shoes a shine. There's a shine on your shoes. There's a melody in your heart, with a singable happy feeling. A wonderful way to start to face the world every day, with the dee-da-dum-dee-da-da little melody that is making the worrying world go by. When you walk down the street with the happy-go-lucky beat, you'll find a lot in what I'm repeating. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart. What a wonderful way to start the day. Now there's a shine that you get in the barbershop. There's shine that you get in the Pullman car. There's the shine that you get in the pool room. There's the shine that you get in the school room. Well, it doesn't matter where you get it. It'll do a lot of good if you let it. A little bit of polish will abolish what's bothering you. When there's a shine on your shoes, melody in your heart, sing a happy feeling, wonderful. Shine on my shoes. Fred Astaire fera encore danser Leslie Caron et Audrey Hepburn comme il avait tournoyé avec John Crawford, Rita Hayworth, Ginger Rogers, Vera Ellen, Jan Powell, Anne Miller, Eleanor Powell, Paulette Goddard et Judy Garland. Mais les rythmes changent et s'accordent mal à son style. C'est le déclin du genre. Astaire se tourne vers des rôles dramatiques, sans ballet ni claquette. Il n'abandonne pas totalement la danse et le chant, il remonte sur scène et produit des shows télévisés. Et en 1969, il apparaît dans La Vallée du Bonheur, un film méconnu et curieux de Francis Ford Coppola, dans lequel il fait un adieu discret à la comédie musicale. Ensuite, il parraine les rétrospectives Metro-Goldwyn-Mayer qui mettent la comédie musicale en pièces montées pour musée. Le voici mythe et légende vivante, mais aussi acteur fétiche pour le cinéphile Yves Boisset dans Le Taxi Mauve. En 1981, il quitte le métier. Son fantôme hante déjà les cinémathèques et les salles de répertoire. Tous les publics l'adorent. Combien de fois, sortant d'une projection d'un de ses films, n'avons-nous pas esquissé quelques pas de danse en rêvant de lui ressembler? Rêve, danser comme dans un rêve, c'est-à-dire danser comme Fred Astaire dans un de ses films. Et il y a quelque temps, Woody Allen lui rendit hommage dans La Rose pourpre du Caire, film sur le désir d'être film soi-même, film terrible et sublime, où le celluloïde devient chair pour se mêler à la réalité. Discours subtil sur le paradis artificiel hollywoodien. Mia Farrow y regardait danser Fred Astaire. Et l'on entendait ça. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. C'était Hommage à Fred Astaire par Noël Simsolo, diffusé la première fois le 26 juin 1987 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.